Sainte Bible selon saint Jérôme, livre d'Isaïe, chapitre 19. Malheur accablant de l'Égypte. Voici que le Seigneur montera sur un nuage léger, et qu'il entrera dans l'Égypte, et que seront ébranlés les simulacres de l'Égypte devant sa face. Et le cœur de l'Égypte se fondra au milieu d'elle. Et je ferai courir des Égyptiens contre des Égyptiens, et un homme combattra contre son frère, et un homme contre son ami, une cité contre une cité, un royaume contre un royaume. Et l'esprit de l'Égypte sera déchiré dans ses entrailles, et je détruirai son conseil. Et ils interrogeront leurs simulacres et leurs devins, et les pythoniens et les magiciens. Et je livrerai l'Égypte à la main de maîtres cruels, et un roi puissant les dominera, dit le Seigneur, Dieu des armées. Et l'eau disparaîtra de la mer, et le fleuve sera détruit et asséché. Et les rivières tariront, et les ruisseaux retenus par des digues diminueront et seront desséchés. Le roseau et le jonc se flétriront, le lit du ruisseau sera mis à nu à sa source même. Et l'eau dont on arrosait toute semence desséchera, deviendra aride et ne sera plus. Et les pêcheurs s'affligeront. Et tous ceux qui jettent l'hameçon dans le fleuve pleureront. Et ceux qui tendent le filet sur la surface des eaux dépériront. Ils seront confondus, ceux qui travaillaient le lin, qui le cardaient et en faisaient des fins tissus. Et ces lieux, arrosés d'eau, se dessécheront. De même tous ceux qui faisaient des fosses pour prendre des poissons. Ils sont atteints de folie, les princes de Tanis. Les sages conseillers de Pharaon ont donné un conseil insensé. Comment direz-vous à Pharaon, « Je suis fils des sages, fils des anciens rois. Où sont maintenant tes sages ?» Qu'ils t'annoncent, qu'ils apprennent ce qu'a résolu le Seigneur des armées touchant l'Égypte. Ils sont devenus fous, les princes de Tanis. Ils se sont amoindris, les princes de Memphis. Ils ont séduit l'Égypte, soutien de ses peuples. Le Seigneur a répandu au milieu d'elle un esprit de vertige. Et ils ont fait errer l'Égypte dans toutes ses œuvres, comme erre l'homme ivre et qui vomit. Et il n'y aura pour l'Égypte rien à faire à la tête et à la queue, à celui qui plie et à celui qui réfrène. En ce jour-là, les Égyptiens seront comme des femmes. Et ils s'étonneront, et ils craindront, à la vue de la commotion que la main du Seigneur des armées lui-même produira sur eux. Et la terre de Juda sera à l'Égypte en effroi. Quiconque s'en souviendra sera effrayé à la vue du dessein que le Seigneur des armées lui-même a formé contre elle. En ce jour-là, il y aura 5 cités dans la terre d'Égypte qui parleront la langue de Canaan et qui jureront par le Seigneur des armées. L'une sera appelée la cité du soleil. En ce jour-là, il y aura un autel du Seigneur au milieu de la terre d'Égypte et un monument au Seigneur près de sa frontière. Ce sera en signe et en témoignage au Seigneur des armées dans la terre d'Égypte. Car ils crieront vers le Seigneur à la vue de l'oppresseur, et il leur renverra un sauveur et un défenseur qui les délivrera. Et le Seigneur sera connu de l'Égypte, et les Égyptiens ce jour-là connaîtront le Seigneur, et ils l'honoreront par des hosties et par des offrandes, et ils voueront des vœux et ils les acquitteront. Et le Seigneur frappera l'Égypte d'une plaie, et il la guérira. Il s'apaisera pour eux, et il les guérira. En ce jour-là, il y aura une voix de l'Égypte chez les Assyriens. Et l'Assyrien entrera dans l'Égypte, et l'Égypte chez les Assyriens, et les Égyptiens serviront à Assour. En ce jour-là, Israël sera réuni comme troisième à l'Égyptien et à l'Assyrien. La bénédiction sera au milieu de la terre qu'a béni le Seigneur des armées, disant « Béni soit mon peuple d'Égypte ». Et l'ouvrage de mes mains se fera par l'Assyrien, mais mon héritage est Israël. Autrement de la Sainte Bible selon la Vulgate, dans la traduction de l'abbé Glaire, pour le site jesusmarie.com, afin d'en assurer une diffusion gratuite. Fichier placé sous licence Creative Commons le 30 novembre 2010. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous.